On avait un quart d'eau de vie à boire. Promesse de victoire, de mon verre de pipe, cela pour la